Section numéro 15 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Alexandre Ivan Karl. La lecture, tome 3e. Section numéro 15. En wagon, par Henri de Parville. Voici le premier de l'an passé. La season commence. En route pour Monte-Carlo, Nice et Menton. Il faut bien faire comme tout le monde et prendre le chemin de fer. Les portières se ferment. Le sifflet jette sous la gare son cri rauque. Le train s'ébranle. En route! C'est, assurément, un des caractères distinctifs les moins indiscutables de notre génération, d'avoir été la première à courir sur le ballast. Il n'est plus guère personne qui n'ait fait au moins ces quelques kilomètres en chemin de fer, et cependant, si l'on en juge par certaines conversations tenues en wagon, on roule sur les rails sans trop connaître le véhicule qui vous entraîne et dévore l'espace. On se laisse aller au bonheur de filer ces 10 lieues à l'heure sans en demander davantage. En général, nous sommes sensibles à l'effet, mais point curieux de la cause. C'est encore le caractère propre de notre génération. Pour beaucoup, par exemple, le seul avantage des chemins de fer, c'est la vitesse. L'esprit est satisfait de cette apparence de raisonnement et ne va pas au-delà. La vitesse joue, en effet, un grand rôle dans l'exploitation des voies ferrées, mais la supériorité réelle des chemins de fer sur les routes ordinaires réside pour beaucoup aussi dans la grande économie de traction qui en résulte. La résistance à la marche est extrêmement diminuée, à la condition expresse toutefois que l'on n'acceptera dans le parcours ni forte rampe ni courbe prononcée. Un cheval traînerait, sur une voie ferrée de niveau et en ligne droite, une charge de 7 à 9 fois aussi grande que sur une route ordinaire. Il ne faut pas non plus que la vitesse de marche devienne trop grande, sous peine de perdre beaucoup dans les bénéfices de traction. L'air oppose, en effet, une résistance qui croît très vite quand la marche atteint une certaine rapidité. Ainsi, à une vitesse de 60 à 70 km à l'heure, un moteur, quel qu'il soit, ne traîne plus, toutes choses égales d'ailleurs, que le tiers, et même le quart de la charge qu'il traîne sur les routes à la vitesse en usage. Quand la pente des chemins de fer dépasse 3,5 cm, la traction cesse d'être économique. De là, ces nécessités de tracé qui étonnent tant de personnes. Pourquoi faire une si grande courbe? Pourquoi construire ce tunnel quand on pourrait monter doucement au-dessus de la colline? La question est simple. Que coûtera le tunnel? Que coûtera la courbe? Comparez ensuite la dépense permanente de la traction en pente. Vous tomberez certainement d'accord sur ce point. C'est que les ingénieurs savent admirablement compter. Mais la locomotive a sifflé 3 fois brusquement. Qu'est-ce? Demande un voyageur. On part à peine. Rien, on change de voie, voilà tout. Et le mécanicien avertit l'aiguilleur par 3 coups d'attention. Un coup sec, en pleine marche, prévient les ouvriers qui travaillent sur la voie d'avoir à se ranger. 2 coups brefs ordonnent aux agents de serrer les freins. Plusieurs coups prolongés annoncent un obstacle sur la voie. Le drapeau rouge des cantonniers déployés annonce un embarras sur la ligne. Le drapeau vert est un signal de ralentissement. Les disques signaux ont un caractère analogue. On ne se rend pas toujours assez compte de tous ces petits détails qui constituent l'instruction spéciale du voyageur en chemin de fer. À combien évaluez-vous la force d'une locomotive? Disait quelqu'un, et on lui répondait à 1 20aine de chevaux vapeur. L'erreur est grave. Nos machines locomotives ne développeraient pas, en effet, beaucoup plus de 25 chevaux vapeur si elles fonctionnaient dans les mêmes conditions que nos machines fixes. Mais on fait agir la vapeur sur les pistons à une pression de 7 à 8 atmosphères, et même 10 atmosphères, au lieu de 4 à 5. Et on donne en outre à ces pistons, par la petitesse de leur course, une grande rapidité, si bien que le travail produit s'élève au moins de 200 à 300 chevaux vapeur, dont 150 seulement sont utilisés pour le remorquage des voitures. Un cheval vapeur fait à peu près 3 chevaux ordinaires. Notre train est donc emporté par bien près de 450 chevaux. Et 450 chevaux de train n'iraient pas loin ainsi. Au reste, tout dépend du type de locomotive considéré. Les machines à voyageurs sont construites pour traîner peu et aller vite. Elles marchent avec une vitesse minimum de 40 km à l'heure, traînant 15 voitures. Elles peuvent atteindre une vitesse de 60, 80 et même 100 km. Mais dans ces conditions, elles ne peuvent plus remorquer que 8 et même 6 wagons. Les machines à marchandises vont moins vite et remorquent plus. Leur vitesse est de 30 km. Les machines mixtes, qui servent à 2 fins, marchent à des vitesses comprises entre 35 et 50 km. Arrêt compris, un train omnibus fait 30 km à l'heure. les express, de 60 à 70 km. Il est rare que l'on dépasse ces vitesses en France, à moins de circonstances exceptionnelles. Le train express qui met Londres en communication avec Paris et le train rapide de Marseille font seuls 70 à 80 km. Autrefois, nos diligences avançaient avec une vitesse de 8 km un tiers par heure. Les chemins de fer ont à peu près quintuplé la vitesse des transports. Combien brûle de charbon une locomotive? Ceux qui savent tout répondent sans hésiter, comme s'il s'agissait d'une machine d'atelier. Tout dépend de la nature du combustible, des types de moteurs, du climat, de la saison, de la charge des trains, de leur vitesse, de l'habileté des chauffeurs et des mécaniciens, et, avant tout, du profil de la route. La question est donc complexe. Toutefois, on s'écartera peu de la vérité en disant qu'une locomotive Crampton remorquant 12 voitures consomme 8 kg de coke par kilomètre en été et 8,5 kg en hiver. Une locomotive mixte, avec 18 voitures, dépense autant. Une Engert à marchandises, 16 kg de houille en été, 18 en hiver. Si le coke ou la houille était de mauvaise qualité, il faudrait consommer au moins 11 kg pour les locomotives à voyageurs et 23 pour les Engert. Si l'on fait la somme des dépenses en combustible, huile, graisse, suif, chiffon, éclairage, eau, entretien, personnel, on trouve qu'en moyenne, le parcours kilométrique coûte 93 centimes. Les mécaniciens ont une prime d'exactitude quand ils arrivent à l'heure et 20 centimes de retenue par minute de retard au-delà de 5 minutes de latitude. Ils peuvent même être passibles du tiers des amendes que l'inexactitude d'un train peut faire subir aux compagnies. En revanche, ils touchent une partie de l'économie réalisée sur la dépense en combustible. Pour mettre sous vapeur une locomotive, on compte, suivant le type et la saison, de 1 heure à 3. Les machines s'usent assez vite et, après un parcours moyen de 300 000 km, on estime qu'il faut les reconstruire, ce qui coûte environ 40 000 francs. Par an, une machine fait de 20 à 25 000 km. Au bout de 10 ans, la locomotive a donc fini sa carrière. Une locomotive munie de son tender revient, en moyenne, à 60 000 francs. Les Engerth coûtent plus du double. On compte pour la machine ordinaire 45 000 francs et pour le tender 11 000 francs. Le poids dépend du type. Une Crampton chargée avec tender approvisionné pèse 45 600 kg. Une machine mixte 35 000. Une Engert 65 000. Ces différentes machines, isolées, pèsent respectivement 27 000, 30 000 et 40 000 kg. Il suffit de citer ces poids énormes pour faire concevoir pourquoi, peu à peu, il a fallu consolider les rails et leur donner par mètre courant jusqu'à 30 et 38 kg. Et les wagons? Les wagons de première classe pèsent 5600 kg, coût 10 000 francs. De seconde classe, 6220 kg, coût 6 000 francs. De troisième classe, 6000 kg, coût 5 000 francs. Comme les premières classes ne portent au complet et réparties dans trois caisses que 24 voyageurs, il faut en conclure que, pour chacun de nous, en première, on remorque un poids inutile de 220 kg. Les secondes contenant 40 voyageurs et les troisièmes 50, c'est respectivement, pour chacun d'eux, un poids inutile à entraîner de 150 et 120 kg. Une bien grande charge, comme on voit, pour porter 79 kg, poids moyen de l'homme. Les anciennes diligences pesaient 4000 kg et remorquaient jusqu'à 6000 kg. En calculant le poids mort correspondant à chaque kilogramme transporté dans ces différents cas, on trouve diligence 2 tiers de kilogramme, wagon de première 3 kg, wagon de troisième 1,7 kg. Le transport le plus économique semble donc tout d'abord appartenir à la diligence. Il ne faut pas tomber ici dans une faute souvent commise. Si le poids mort à transporter sur les voies ferrées, à égalité de voyageurs, est plus considérable que partout ailleurs, il ne faut pas oublier que l'effort de traction est 5 ou 6 fois moindre que sur les meilleures routes de macadam. Vous êtes obligé de porter 3 kg pour un, soit. Mais à force égale, vous remorquez 5 pour 1. Donc finalement, pour porter 1 kg de poids utile à l'aide d'une diligence, d'une voiture de première, seconde et troisième classe, il faut dans ces différents cas des forces de traction qui soient entre elles comme les nombres 25, 12, 9, 6. L'avantage reste nettement au chemin de fer. Il convient d'ajouter que, pour les trains de voyageurs, il n'est pas aussi sensible que l'indique l'écart des nombres précédents, car, très souvent, beaucoup de wagons sont remorqués presque à vide. Pour une même distance de 315 km, par exemple, le prix des places, d'après le tarif, est respectivement, pour une première, une seconde, une troisième, de 35 francs 30, 26 francs 45, 19 francs 40. Il est facile de voir que ces prix sont, à très peu près, dans le même rapport que les nombres qui représentent la force de traction nécessaire pour transporter le même poids sur chacune de ces voitures. Si, d'autre part, l'on se reporte au prix des wagons que nous avons indiqués plus haut, on voit aussi que les places de première, de deuxième, de troisième correspondent respectivement à un capital engagé de 416, 132, 100 francs. Les premières et même les troisièmes sont, sous ce rapport, moins productives que les secondes. Le sifflet retentit encore. Le train diminue de vitesse. Voici le quai du débarcadère. Comme la locomotive, nous nous arrêterons ici, après ce rapide coup d'œil jeté sur la traction et le matériel de nos grandes voies ferrées. Fin de la section 15.